La souris, par Maurice Renard. Tu es là, mais tu es là donc! Grimpée sur une chaise, dont ses hauts talons martyrisaient le damas et menaçaient de crever le capitonnage, la petite Madame Lebrier serrait sa jupe autour de ses belles jambes et poussait des cris suraigus en frissonnant d'horreur. On a reconnu l'attitude classique des femmes qu'une souris vient de jeter dans l'épouvante et qui ne craignent rien tant que de sentir la pauvre innocente bestiole leur monter au mollet et gagner, par cette voix, le surasile des dessous féminins. De mémoire humaine, cela ne s'est jamais vu. Voilà pourtant une appréhension dont nul ne saurait tout à fait se délivrer. Et il faut bien croire qu'il y a là-dedans, on ne sait quoi de conséquent, qui vient tout bonnement du fin fond des âges. Madame Lebrier ne songeait guère à rechercher l'origine préhistorique de l'instinct qui la faisait frémir, glapir et se blottir sur elle-même, juger qu'elle était, et s'appliquant avec frénésie, à couper au rongeur la route de ses jambes. « Brrr, ah, la sale bête, tu es là, mon Dieu !» Monsieur Lebrier, armé des seules semelles de ses bottines, courait de ci de là, bousculant les sièges, frappant du pied le vide. Quant à son ami Xavier Bûchereau, qui avait déjeuné avec les Lebriers, il disparut vivement dans l'antichambre pour en revenir aussitôt en mettant ses gants qu'il était allé chercher. « Et il n'y a pas de pincette !» déplorait la petite Madame Lebrier. « Ce chauffage central, quelle invention stupide! On devrait toujours avoir des pincettes sous la main pour les souris !»« Eh !» répliqua Monsieur Lebrier, sans cesser de donner la chasse à la souris qu'on voyait de temps en temps filer le long des plaintes. « Est-ce que ça existe encore, des pincettes ?»« Les souris non plus, d'ailleurs, ça n'existe plus, dans une maison neuve. »« C'est la première fois que... »« Blanc, manqué. Je l'ai encore manqué. »« Je vais me trouver mal !» Comme une flèche, la souris avait passé sous la chaise qui servait de piédestal à cette vivante statue de la peur. Même ce Xavier Bûchereau, en dépit de ses 45 ans, de sa jaquette un peu cérémonieuse et de son air si doucement triste, se mit à quatre pattes, plongea le bras sous un bonheur du jour. On entendit de tout petits cris pointus. Il se releva, tenant par la queue l'animal en velours gris qui se raidissait et se démenait. Une main sur la bouche, l'autre crispé d'abomination, Madame Lebrier hurlait « Écrasez-la, Monsieur Bûchereau, Monsieur Bûchereau, écrasez-la » « Mais non !» dit l'interpellé, bien tranquillement, et il ouvrit la porte-fenêtre qui donnait à même le jardin. « Qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas ?»« Si, chère madame, je vais avec votre permission. » Et ayant lâché sur le gravier sa prisonnière tout épuisée et qui ne prit pas le départ incontinent, Monsieur Xavier Bûchereau referma le battant vitré. « Par exemple ?» s'étonna Madame Lebrier. « Tu en as de bonnes, mon vieux Xavier. Je ne te savais pas si humain. » On leur répondit. « Je ne suis pas plus humain qu'un autre. Seulement voilà, les souris pour moi sont tabous. »« Tabous ?» répéta Madame Lebrier en descendant de son socle. « Oui, sacré. Qu'est-ce que tu nous chantes là ? Explique-toi. » « Tu m'inquiètes un peu, sais-tu ?» Monsieur Lebrier remettait de l'ordre dans le salon. Il tendit à son vieil ami une boîte de cigares. Madame Lebrier, reprenant ses fonctions là où la souris les avait brusquement interrompues, versa d'un vieil armagnac au fond d'immenses verres, et Monsieur Xavier Bûchereau, se dégantant, commença son récit. « Je vous ai dit tout à l'heure, en déjeunant, que j'avais passé de tristes années, une mauvaise période de déboire et d'amères déceptions. « Vous savez maintenant pourquoi, si longtemps, je me suis tenu à l'écart du monde. J'ai eu l'infini chagrin de voir se tourner contre moi ceux que j'aimais le plus, ceux pour qui j'aurais fait l'impossible et qui, hélas, ne pensaient qu'à me dépouiller, à me nuire. Tant de tristesse m'avait conduit à me retirer dans une petite maison de campagne que je possède, afin d'y rétablir, s'il se pouvait, ma santé ébranlée par des coups si rudes, mes nerfs, mes pauvres nerfs si éprouvés. Là, j'étais à peu près tranquille et je me croyais à l'abri de tout danger. Car il me faut pousser jusqu'au bout mes aveux. Oui, on était allé jusqu'à menacer ma vie. Mais tout cela n'était-il pas fini? N'avais-je pas abandonné aux mains de ces ingrats tout ce qui avait excité leur cupidité? Au surplus, la vieille maison était bien close, facile à garder, et j'avais pleine confiance dans le seul domestique que j'eusse conservé, un homme depuis longtemps à mes gages. « Des dangers, je m'aperçois que le mot te surprend, cher ami. Songe, s'il te plaît, songe à ceci, que mes sacrifices n'avaient pas été tels qu'ils m'eussent laissé sur la paille. Je possédais encore un peu d'argent et cette maison de campagne. Ma mort eût achevé de faire passer mes biens à mes héritiers. Mais vraiment, je n'y pensais pas. Une pareille idée ne me venait pas à l'esprit. Malgré toutes les laideurs auxquelles les événements m'avaient accoutumé, et je le répète, je croyais maintenant pouvoir vivre en paix. Chichement, certes, mais en paix. Je m'efforçais donc de mener, pour commencer, l'existence la plus propre à rétablir l'équilibre de mes nerfs. Je réglais avec soin l'emploi de mon temps. Je fis une large part aux promenades et à la gymnastique. Je m'assignais, pour un travail intellectuel modéré, un horaire que je suivais de point en point. Le sommeil m'avait quitté. J'espérais le recouvrer en fatiguant mon corps. Cependant, lorsque ni la lassitude physique ni les bains chauds ne me le procuraient, je prenais la nuit l'un de ces soporifiques si bienfaisants que les pharmaciens vendent sous forme de petits comprimés dans des tubes. L'un de ces tubes se trouvait toujours dans le tiroir de ma table de nuit. Un verre rempli d'eau était aussi toujours à portée de ma main. Quand le sommeil m'était refusé, je n'allumais même pas la vieille lampe à pétrole, dont l'usage nécessitait toutes les opérations que vous savez, allumette, verre de la lampe, mèche, bouton, flamme à régler. Non, j'avais l'habitude. À tintons, dans le noir, je prenais le tube de comprimé et j'en avalais un avec une gorgée d'eau. Puis j'attendais le sommeil, qui venait sans manquer jamais, assez vite. Or, une nuit, je ne parvenais pas à m'endormir. Je retardais autant que je le pouvais le moment de recourir au somnifère, espérant, au bout du compte, m'en passer. Mais plus j'attendais, plus l'obscurité faisait peser sur moi son affreuse charge de souvenirs exagérés et de conceptions démesurément grossies dans le sens de l'angoisse. Alors je me décidai, j'étendis la main dans les ténèbres. À ce moment, un bruit se fit entendre, très faible, un grignotement, peut-être. J'écoutais. Oui, ce devait être une souris. Cependant, était-ce par l'effet de cette énervante insomnie, ce bruit m'inquiéta. Il avait suffi de ce petit grincement nocturne dans ma chambre pour que tout à coup, je me sentisse assailli par toutes sortes de craintes. Je découvrais soudain, en écoutant ce bruit, pouvait être celui d'une lime ou d'un autre outil, tous les dangers dont je devais me préserver. Vivement, j'empoignai la boîte d'allumettes et quelques secondes après, la lampe donnait sa clarté. Je la soulevai, scrutant le coin de ma chambre, près d'une porte, d'où le bruit était venu. J'aperçus une souris, immobile. Son petit œil noir brillait à la lumière de la lampe. Je me levai, pour la tuer, si possible. Elle décampa et disparut sous la porte. Il ne me restait qu'à me recoucher et à prendre le soporifique. Fausse alerte. J'en souriais, me moquant de moi-même. Le tube débouché, c'était une petite cartouche d'aluminium, déversa dans le creux de ma paume le premier comprimé de celui qu'il contenait encore. Étonné, attentif, j'approchai ma main de la lumière et j'examinai le minuscule disque que j'étais déjà prêt à m'administrer. Il offrait un aspect jaunâtre. Les autres, auxquels je le comparais, étaient blancs. D'un beau blanc lisse de porcelaine. Ce comprimé que j'allais avaler, ce comprimé que j'aurais infailliblement avalé dans l'obscurité, n'était pas pareil aux autres. Une stupeur me tenait figé. Enfin, je me remis au lit, tremblant, glacé, désespéré. Et je passai la nuit à me demander pourquoi tant de haine s'acharnait contre moi. Car je ne pouvais douter d'avoir échappé à une tentative d'empoisonnement. Le lendemain, je fis faire des analyses qui me le confirmèrent. Mon domestique était le coupable. On l'avait payé pour me supprimer. Je me contentais de le chasser. Mais à présent, détenteur que j'étais de preuves écrasantes et terribles, c'est moi qu'on implorait. Depuis ce temps-là, tout est fini. J'ai la paix. Il reste que, si je ne suis pas mort, c'est à une souris que je le dois, une souris qui fut, durant quelques secondes, l'instrument même de la toute-puissante destinée. N'est-il pas juste que je ne l'oublie jamais ? C'était La souris par Maurice Renard.